Chevauchoir. Il est 9h. Auditeurs, auditrices de Radio Chevaucheur, Lisiane vous dit bonjour. L'émission Quoi de neuf ? On termine le mois, bien sûr, en beauté. Ce lundi, les Diables Rouges et la France. Oh, Poutine sort ses missiles interdits. À New York, les araignées volantes envahissent la ville. Anniversaire People aujourd'hui, c'est Guy Mardel. Demain, nous aurons Pamela Anderson. Mardi, Sami Narseri. Mercredi, Kenji. Jeudi, l'artiste. Vendredi, Laetitia Milo. Samedi, Kevin Hart. Et dimanche prochain, Isabelle Boulet. Dans les personnages de dessins animés et autres, lundi vous aurez la bête du quai, vos dents c'est un dragon. Lundi c'est Dr. Strong. Mardi c'est le Schtroumpf à lunettes 64 ans et Gargamel. Mercredi, nous aurons Emmett Brooms. Jeudi, Alice. Vendredi, le mouton Dolly. Samedi, waouh, et dimanche prochain, Pinocchio, 142 ans. Alors, on écoute l'étoile, pas l'étoile semaine, mais bien sûr, l'anniversaire du jour, Guy Mardel. Martial. Bonne fête au Martial, et l'abeille prend son bien en mal, point de charcuterie à l'ail, à la Saint-Martial. Petit la planète, et eh bien c'est la journée de l'astéroïde. 177 livres sont sortis pour ce mois de juillet. Vous avez bien sûr L'homme venu de la mer, vous avez La dame de Rionalis et Rêve d'avenir. Il y en a bien 477 livres à lire pour le mois de juillet. Vous êtes peut-être les heureux du loto, pourquoi pas le 2, le 4, le 8, le 15, le 20, le 24 et le 34. Pour le Joker Plus, 901, 924, signe balance. Seront déjà le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est également la pierre qui change, hein, et vous aurez également la fleur. Je vais vous parler de la pierre pour juillet, c'est le rubis. Le rubis est une pierre qui symbolise l'intensité, le dévouement. La légende veut que cette pierre prenne une teinte ténébreuse lorsqu'une personne fait face au danger. Alors que sa couleur sera d'un rouge éclatant dans des moments d'emprunt, de stabilité et de calme. Rouge est également associé à l'amour, à la chaleur, également une couleur puissante, dynamique et dangereuse, comme je viens de vous dire. Peut être également la force du mal. Rouge est chanté par Michel Sardou. Comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Et pourquoi pas faire un bon baiser rouge de rouge à lèvres. Comme le sang de Rameau coulant sur un. Nous venons à la fleur de juillet qui est le lotus. Il s'agit d'une fleur sortante d'une plante aquatique qui fait partie de la famille des Nelumbonacées. Dans la culture du bouddhisme, la fleur lotus inspire la pureté et la spiritualité. L'image qui entoure le lotus est si forte que depuis l'intronisant de Dieu dans le bouddhisme et le brahmanisme. Il suffit d'un petit clin d'œil à l'épanouissement de l'âme. Prospérité, fertilité, longévité, éternité. Tous ces grains de lotus sont très longs. Et pour le mois de juillet, nous avons également la plante que vous avez peut-être déjà dans votre jardin qui est fleurie, c'est bien sûr l'hortensia. L'amour, la déclaration d'attachement, l'espoir d'amour, ou le glaïeul qui est en floraison pour le moment, amour et brin de folie, érotisme, invitation amoureuse, que dis-je? À l'écoute de Radio Chevaucheur, eh bien, nos festivités ce dimanche, Joseph Martin à la guinguette de Radio Chevaucheur, et dimanche prochain, notre dernière festivité avant les congés, ce sera Cathy Ménier et Patrick Duquenoy. Puis on se retrouvera le dimanche 4 août. Et là, on vous propose une sortie dans les Ardennes belges chez Fabien Van Rissel. Départ en autocar, de Lève vers 10h30, une journée à la ferme équestre avec des festivités, le repas, le voyage au prix de 48 euros par personne avant le 15 juillet. Le dimanche, dimanche 18 août, nous serons en déplacement dans le comité de Névremont. Pour le comité de Névremont, à Fossaville, fête du village, dès 11h, Eliot Ness viendra jouer avec sa guitare les Shadows. Et à 12h, vous aurez le repas de 3 viandes, pommes de terre et salade, dessert au prix de 20 euros. Et puis, vous aurez Walter qui chante du Sardou pendant une bonne heure. Et à 15h, nous aurons le thé dansant. Il nous vient directement de la France. Il passe la frontière pour venir nous rejoindre et vous faire danser sur le son de son accordéon. Dès 15h, c'est Christian Gauchy. Tout se passe à Névremont le 18 août. Le 24 août à la guinguette de Radio Chevaucheur, on retrouve un jeu bingo à la guinguette et à 15h, on retrouve bien sûr le karaoké. Mais pour les personnes qui veulent le ranka, ce sera 8 euros par personne des bonnes frites. Au-dessus des vieux volcans, on continue dans les voyages avec le 25 août, ce sera une sortie à la mer du Nord, le Corso Floride Blankenberg, journée libre, départ des 8h le matin, 48 euros par personne. Voyage, et bien, vous pouvez prendre vos renseignements 0477 59 48 43. Avis aux auditeurs de Radio Chevaucheur, si vous souhaitez joindre nos animateurs, eh bien, un petit conseil à prendre, c'est une petite carte de téléphone à Radio Chevaucheur. Vous pouvez la recevoir par courrier, par mail, par téléphone ou lors de votre visite, comme aujourd'hui, au 7 rue Le Chevaucheur à Lèves. Ça vous coûtera 10 euros et vous aurez un bon moment pour nous téléphoner. Le 1er septembre, nous serons à la vieille boucle listinoise en direct et à 14h à la guinguette du Chevaucheur, nous aurons le plaisir d'écouter Cathy Minet et Patrick Duquenois. Ah oui, si vous partez en vacances, ne laissez pas votre animal autre part que dans des refuges. Ne les abandonnez pas. Nous allons écouter l'étoile semaine. L'étoile semaine, il s'appelle Claude Sylabeb et il va nous chanter Monsieur. Alors nous écoutons ce nouveau chanteur sur nos antennes. C'était Monsieur Claude qui nous chantait les syllabes sur les antennes de Radio Chevaucheur que vous venez d'écouter l'étoile semaine pendant cette semaine. Voici l'apéritif musette comme chaque dimanche matin. Bienvenue sur le 105.5 www.radiochevaucheur.be. Le standard est ouvert si vous voulez m'appeler et si vous voulez prendre quelques renseignements, pourquoi pas. Vous pouvez parrainer vos émissions, 3 euros pour l'animateur pendant un mois. Et l'émission est parrainée par Karine et David de Courrières, Josette et Emile de Biot, Josette Francine, Nicole et Jacques, Jacqueline et Michel de Bouche, Eliane de Profondeville, Nicole de Staff, Alain et Denis de Malonne, Loulou d'Ivoire, Robert et Yves, François et Monique de Dorine, Papy Georges, Luce de Mettet, Gisèle de Gève, Daniel et Monique, Simone de Denis et Nicole d'Andois. Merci parrain et marraine. À l'écoute de Radio Chevaucheur, nous avons un anniversaire à souhaiter aujourd'hui. C'est Denis de Malonne. Bonne journée avec Alain. Joie, bonheur et un bon verre, hein, Denis.